du camping, ma fille. Ça m'est égal. En tout cas, lorsque je voyage, je n'ai pas à chercher d'hôtel. Un complot terroriste. La victime parfaite. C'est la fille de Baker, alors attention, il faut tout faire pour la protéger. Lui seul peut la sauver. Je vous conduis dans un autre camp de réfugiés. Non, monsieur Browning, je reste ici. Sa mission. Donnez l'alerte, on est attaqué. La maintenir en vie. Jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Ça va aller, Sam Browning. On va trouver une porte de sortie. On sait que vous n'êtes pas Clark Kent. Restez là, ça me rendra les choses plus faciles. Je pars aussi, je veux combattre. Allons-y. Ici, ce sera notre refuge. Si vous avez des ennuis, vous revenez ici. Parce que partout ailleurs dans le secteur, ce sera un vrai cauchemar. Le guerrier du futur... Qui êtes-vous, Sam Browning ? ...est sur le sentier de la guerre. Michael Barré, dans... Bon, ok. En fait, ce qu'on vient d'entendre, c'était l'introduction, les publicités, le comment que ça s'appelle? Voyons, là, j'ai des amis en studio, je suis pas schizophrène. Josiane Huard. Bonjour, monsieur Tommy Godet. Ouais, des previews, c'est ça? Ouais, ben des... comment... Moi aussi, je cherche le mot. Ouais, c'est ça. C'est des previews, hein, Simon-Pierre Bilodeau? Oui, Tommy Godet. Une bande annonce. Oui, une bande annonce, effectivement. Donc, on va partir notre... C'est ça, là, ça s'en vient. Je sais pas, j'y crois plus. C'est quoi? Jingle. Ben ouais, c'est ça. Pourquoi? Ah, parce que dans QuickTime, puis que là, il y a quelqu'un qui a changé quelque chose, là. Fait qu'on a pas de tune d'intro, c'est ça? Ben oui, finalement. Oh. Je pense que Simon-Pierre est content. Ah ben, si tu veux, tu peux. 70%, je me rappelle plus des paroles. J'ai pas de voix. Je peux claquer, si tu veux. Donc, ben non, c'était parfait. Simon-Pierre Bilodeau, t'as des nouvelles? Tu viens d'aller chercher ça ou... Oui, tout à fait. On va parler divorce, on va parler argent, on va parler de jet set, puis on va aussi parler de sujets scientifiques de l'heure. Pourquoi est-ce que les chiens remuent la queue? Oh! Oh! Ils viennent de découvrir ça. C'est super intéressant. Tout à fait. Et toi, Josiane, tu... d'habitude, tu t'occupes de l'univers folk, bien sûr, qui est juste après nous, mais là, tu nous as amené une petite surprise. Oui, une petite merveille. Je sais qu'on... C'est pas politiquement correct de rire des handicapés, mais elle, on n'a pas le choix. À court après. Des fois, ça arrive. De toute façon, c'est un être humain avant d'être un handicapé, donc on peut rire de ce qu'elle va faire. On la verra même pas à radio, de toute façon. C'est vrai, si je l'avais pas dit, personne qui saurait. C'est ça. Je veux dire, c'est pas là le problème. Ce que tu nous as amené, c'est donc... Jeanne-Mance Cormier. Et qui est une naine qui fait du country. Ah. Et en fait, elle a découvert Jésus. Elle a découvert Jésus. Et elle a senti le besoin de nous en parler sur un album. Ah, tu vois, ça commence assez bien. Moi, de mon côté, je vais parler de la chronique libre. Excuse-moi, la naine qui rencontre Jésus puis qui chante ça en country. C'est beau. Moi, de mon côté, j'ai amené mon article Les bons deals de Betty et puis j'ai commencé à réagir, essayer d'améliorer un petit peu la publicité, ou en tout cas les médias qui croisent nos collègues québécoises. Ce qu'on va faire, c'est écouter Tex le Cœur et le Tibessic. Puis après ça, on va revenir à 70% parler des vraies affaires. Tex comme... le Cœur? Oh yes! Excellent! Culturé, mon gars. Moi, je sens le vent me chatouiller le nez. Je vois les saisons, les fleurs de l'été. S'il fait pas beau, moi, je brave le temps. Mon Tibessic en a vu d'autres avant. Vroom vroom vroom, mon Tibessic, vroom vroom vroom, je vivrai longtemps. Vroom vroom vroom, mon Tibessic, vroom vroom vroom, je vivrai longtemps. Vroom vroom vroom, mon Tibessic, vroom vroom vroom, je vivrai longtemps. On m'éclabousse et l'on me crie des noms. Au toit de la route maniaque du guidon. J'esquisse un sourire tout en murmurant. J'aurai ta carcasse au prochain tournant. Vroom, vroom, vroom, sous mon Tibessic. Vroom, vroom, vroom, je prendrai mon temps. Vroom, vroom, vroom, sous mon Tibessic. Vroom, vroom, vroom, je vivrai longtemps. Vroom, vroom, sous mon Tibessic. Vroom, vroom, je prends bien mon temps. Vroom, vroom, vroom, sous mon Tibessic. Vroom, vroom, vroom, je vivrai longtemps. Je vois passer les roses et les Ferrari, les jeunes hommes de 30 ans aux cheveux déjà gris. En moins d'une heure, j'arriverai chez Susan et ferai beau voyage sous ses cotillons. Vroom vroom vroom, petit monty bête. Vroom vroom vroom, moi je prends bien mon temps. Vroom vroom vroom, petit monty bête. Vroom vroom vroom, moi je vivrai longtemps. Quand je serai vieux, ferai mon testament. À mon pire ennemi, je laisserai mon argent. Et à ceux que j'aime pour bien finir leur vie, des petits bêtes couleur de paradis. Vroom vroom vroom, tu m'en dis, bête. Vroom vroom vroom, tu m'en dis, bête. Vroom vroom vroom, moi je prends bien mon temps. Vroom vroom vroom, tu m'en dis, bête. Vroom vroom vroom, moi je vivrai longtemps. Vroom vroom, tu m'en dis, bête. Vroom vroom vroom, moi je prends bien mon temps. Vroom vroom vroom, tu m'en dis, bête. Vroom vroom vroom, moi je vivrai longtemps. Eh ben bonjour, ici Pierre Brassard, vous écoutez 70% sur Choc FM. Alors bonjour public aimé, nous sommes en direct du vernissage de l'exposition de Bastien Donovan Pichet-Hutchison, un artiste montréalais à l'avant-garde de la peinture underground moderne. Parlez-nous de votre œuvre maîtresse s'il vous plaît, l'abîme sombre et inexpugnable du Me, Myself and I. Ouais, j'ai peint cette toile dans le crayon noir pour tenter d'exprimer la souffrance que je ressentais lorsque mon petit copain m'a quitté. Ce noir insondable est la représentation de l'épicentre métaphorique de cette incroyable douleur laissée par mon amour, nouvellement à sens unique. En tant qu'artiste marginalisé de la nouvelle génération Pomo, je me reconnais incommensurablement dans ce vide, cette représentation du vide. Cet abîme qui me caractérise, les entrailles de ma vacuité. Oui, effectivement, merci Bastien, ça se sent très bien ici, l'exposition, je vais la finir. Et bien sûr, on a vos deux autres œuvres, La Belette et Le Siège. Et merci beaucoup d'écouter notre émission. Un centre de tri postal en Nouvelle-Zélande a été évacué en raison d'un colis suspect dans lequel les services de sécurité n'ont finalement découvert... Enfin. Des fils électriques suspects identifiés dans le colis pendant son passage au rayon X ont inquiété mardi le personnel du centre proche de l'aéroport d'Auckland, a-t-on rapporté dans le New Zealand Herald. Le colis a alors été placé dans un coffre anti-explosif, mais les services de sécurité n'ont été prévenus que le lendemain. Après avoir évacué les locaux, les agents ont découvert que le paquet ne contenait que... Une enquête des douanes, est cependant en cours pour déterminer pourquoi les services d'urgence n'ont pas été immédiatement alertés et comment une hypothétique bombe a pu rester plus de 24 heures dans un coffre. Hey, hein? Ça fait que c'est quoi? Tu nous fais la shot à la Pulp Fiction? Non? On sait pas ce qu'il y a dans la valise ou... Un centre de tri postal en Nouvelle-Zélande a été évacué en raison de colis suspects dans lesquels les services de sécurité n'ont finalement découvert qu'un vibromasseur. De toute beauté. De toute beauté. Donc... Aïe, aïe, ça fait comme dans... Voyons, c'est quoi le film? Le Fight Club, là? On ne peut pas utiliser l'adjectif, le déterminant possessif, le votre vibromasseur. Donc, on doit dire un vibromasseur. OK, ouais. Est-ce que ça n'est une belle? Ça, t'en as-tu une autre d'être faite comme ça? Là, oui. Ben oui, à frette, là, on est prêt, là. C'est notre dernière de la saison d'hiver. Puis après ça, on va aller prendre un break puis de la bière. OK, bon, on va prendre un petit 5 minutes pour parler de ça là. Saviez-vous que Will Smith a été élu par Newsweek l'homme le plus puissant d'Hollywood cette année? Hein? En effet, eux, ils font un palmarès annuel. Ces dernières années, ça a été surtout Tom Hanks, okay, et Tom Cruise qui se sont interchangés ça, avec un Mel Gibson qui a réussi à s'intercaler. En fait, c'est que, bon, Will Smith, il y a 4,4 milliards de revenus US depuis le début de sa carrière au box office. Monsieur de 38 ans, qui est l'homme le plus puissant. Ça en dit long, vraiment, sur ce que les gens aiment au cinéma. Oui, oui, vraiment. Ou leur capacité d'acceptation de choses, enfin, culturellement vides. Ou... on se rappelle en 2002 du Men in Black 2. De Bad Boys 2. En 2004, on y va avec le très excellent iRobot, où c'est l'histoire très originale d'un robot qui tue quelqu'un ou qui ouais, est suspecté d'un crime. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et puis ensuite, il y a eu Shark Tale, où il joue le rôle d'un vendeur. C'était bon, de... Shark Tale. Oui, mais bon, enfin. Et puis plus récemment, il y a eu Hitch, où il joue le rôle d'un date doctor professionnel. Oui, ça, c'était évacué beaucoup. Ça c'était... Ouais, ça, c'est le gros de son œuvre pour les 5 dernières années, okay. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est l'homme le plus puissant d'Hollywood en 2007. Ooh. Alors, c'est ça, je voulais juste rapporter ça. Ouais, c'est de toute beauté. Ouais, saviez-vous que Will Smith, okay, sa performance au box-office en une semaine, ça rapporte plus que Adam Sandler et Will Ferrell combinés ensemble? En une semaine, mettons? Tout à fait. Mais là, ce qui est un excellent indicateur pour les semaines à suivre. C'est, ouais, c'est dans la première semaine qu'on sait si ça va marcher ou pas. Et hey, voyons donc, c'est weird, hein? Tout à fait. C'est weird, pareil que, ben, je veux dire aussi que le monde dit c'est Will Smith qu'on va voir, pas iRobot, mettons. Ouais, ben, c'est pas mal rendu ça. C'est l'effet marketing. Ouais. C'est comme mon ex-dieu du DJing, Tiga. Maintenant, les gens, ils vont pas dans un party où il va avoir de la bonne musique. Ils vont là parce que c'est Tiga, même s'il spin. S'il met pas n'importe bon quoi, là. Depuis. Ouais. Depuis quelques temps. J'avoue, Tiga s'est relâché. Ex-dieu, on l'a bien entendu. Ce qu'on va faire ici à 70%, c'est qu'on va écouter une vieille toune de rock progressif. On va aller ouvrir la porte à Boris qui attend de rentrer. Puis on va revenir à 70% pour parler de Jeanne Mance Cormier. Oh oui. Oh yes. Wake up. célébrer tes chers. Le monde y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Les actualités culturelles. Oui, on sait que dans le monde des célébrités, le divorce se paie au prix fort, n'est-ce pas? Très, très, très, très fort. Puis non seulement les ruptures sont plus coûteuses chez les célébrités, chez les vrais people, mais... les vrais, mais je l'aime. Non seulement elles sont plus coûteuses, mais plus fréquentes. Fait qu'on a un décompte ici. Écoute, j'ai les 10 là, qui ont coûté le plus cher. C'est établi par le magazine Forbes. Alors, on... on racle bien comme il faut. Oui, Mick Jagger qui s'est séparé du supermodel Jerry Hall. Mick Jagger qui est très très sexy. Mais Mick Jagger qui est marié à quelqu'un qui s'appelle Jerry Hall. Jerry Hall. Mais Jerry là. Comme, ouais, c'est comme pas winner. C'est comme la souris là. En tout cas, ils ont quand même fait 22 ans ensemble et puis c'est entre 15 et 25 millions que ça a coûté. Des divorces, et voilà, et voilà. À 5 millions près. En 2004, Lionel Richie et Diane Richie, il appelle encore Diane Richie malgré le divorce, 8 ans de mariage, 20 millions de dollars. Hey, ça apprécie. Puis là, on est au numéro 8 de ton top 10, puis on est à 20 millions. Là. On est à 9. Ah. Mais là, on s'en va au 8e. Vas-y, mon gars. Le 8e, on parle de l'acteur Michael Douglas, ben qui oui. a payé 45 millions de dollars à Diane Douglas. Fait que là, on vient de doubler. Plus deux maisons. c'est sûrement pas dans les faubourgs de Brassard qui non, ces non, maisons-là sont ça. Situées oui, en effet. On s'entend. Alors, mais c'est quand même 21 ans de mariage. Ouais. Ok, on est rendu en 7e, quelque chose comme ça. Le metteur en scène du film Titanic, James Cameron. Cameron? Oui, à Linda Hamilton en 99, il a donné 50 millions de dollars. Shit. Ils ont été mariés pendant un an et demi. Ok, ok. Linda Hamilton qui a tué le T2, en fait, c'est elle qui. Mais c'est là qu'ils se sont rencontrés. Linda Hamilton, ouais. Ouais, c'est ça, c'est la fille dans T2? Dans Terminator. Là. La c'est, mère c'est, du gars, c'est ça, c'est Connor, là, c'est quoi son nom? Là. Conrad? Connor. Ouais, non, Lisa Connor, là, en tout cas. Non, c'est important. Connor, c'est Connor. Ouais, ouais, c'est ça, c'est son nom de famille, là, mais okay. Son prénom, j'essaie c'est de le retrouver. C'est Connor. Hein? Ouais, ça fait traduction franco. Ouais. La France. c'est ça, ok, puis on va y aller. Je vous en donne un dernier avant de partir pour autre chose. Le chanteur britannique des ex-Beatles, Paul McCartney. On sait, il y a des grosses affaires qui se passent avec Heather Mills, qui serait une ancienne prostituée, ou enfin, on sait pas trop. 5 ans d'union. On parle d'une affaire qui atteignirait les 60 millions de dollars. Hey, mais c'est toujours devant la justice. Il s'en sort bien, lui, parce qu'il est multimilliardaire. Là. Ouais, ouais, c'est ça. C'est, je veux dire, ça va être des peanuts, là. Il va trouver sa plate, là, mais. Vu de même. Survivre, ouais, c'est ça. Aïe, aïe. Hey, mais toi, tu vas nous ramener des belles histoires, pas des histoires d'amour qui se terminent, mais des histoires d'amour qui commencent, des histoires de quelqu'un qui a rencontré Jésus, Josiane Huard. Oui, puis je trouve ça drôle, en fait, qu'on ait parlé de Heather Mills qui manque la moitié d'une jambe, puis là, on va parler d'une autre petite handicapée, parce qu'elle est nine. C'est une petite personne. Heather voilà. Mills manque la moitié d'une jambe. Heather Mills, oui, c'est une ancienne mannequin. Mais non, ben fait quoi que mannequin prostitué, des fois, bon, on a de la misère à faire la différence. Là. Mais non, c'est une mannequin. Je m'en fais, Non, mais c'est j'ai vrai. Droit, ça, une certaine rancune. C'est vrai, de toute façon, c'est vrai. Ouais, bon, pour toutes les filles grassettes de cette terre, on a tous une grande rancune contre les mannequins. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Okay. Arrêtez d'acheter des magazines. Ouais. Fermez la télé, écoutez plus la radio, ben allez voir des films. Ça se fait. T'as juste allé sur Internet, downloader tes affaires intéressantes qui t'intéressent pour vrai. Ah, c'est vrai. Ah oui, je vis très bien sans TQS. Comment fais-tu pour avoir le... C'est quoi les espèces d'émissions? Les stars les plus sexy. Ben oui, imagine vivre sans ça. C'est apprécié. Mais donc, oui, Jeanne-Mance Cormier. Oui. Alors, Jeanne-Mance Cormier, comme je disais, c'est bon, c'est pas sa seule caractéristique, mais oui, en effet, elle est naine. Et elle a découvert Jésus pour l'aider à accepter sa condition. Et en fait, Dieu lui a parlé. Et un peu comme Dormant l'amour, lui a dit qu'elle pouvait prendre en fait ses malheurs et transformer ça pour faire du bien aux gens. Et elle a plusieurs albums qui malheureusement... Déjà, elle me fait du bien, en tout cas. C'est ça, la plupart de ses albums se trouvent seulement qu'en cassette, qu'est-ce que tu veux, elle n'a pas tous les moyens qu'elle voudrait. Mais là, j'ai un CD devant moi et ça s'appelle « Prends la vie du bon côté ». Et on va en écouter un charmant extrait qui s'appelle « Aime les gens qui t'entourent ». Normalement, elle fait du country, mais là, il y a du steel drum. Vous allez voir, c'est un petit beat d'été, ça fait du bien aujourd'hui. Et voilà, on écoute Josiane Cormier. Jeanne Mance Cormier, présentée par Josiane Huard et bien sûr Jeanne Mance qui a découvert Jésus et qui est une petite personne. Et voilà donc l'opus qu'elle a créé autour de ce concept. Aime les gens qui t'entourent. Voilà, on revient à 70% après pour parler des vraies affaires. Roger avec un S entre autres. À tantôt. Moi, c'est vraiment juste pour faire et entendre le di-di-da-da-da du début. Non, mais Tommy, tu comprends pas. C'est tellement drôle que tu mettes cette chanson-là parce que j'ai participé au succès de cette chanson-là. Hein? À l'époque, j'étais, je sais pas, droguée. J'écoutais un petit peu trop souvent la radio et j'appelais C'est quoi pour que ça passe. j'ai collaboré au succès des Saturday Night passe à c'est quoi. Oui. Josiane Huard ici. Donc, coming dans les débuts, c'était pas quand c'était pas connu. Moi je vais remettre juste le début, ça me tape vraiment vraiment ses nerfs là. Là, juste là. On dirait qu'elle pile sur un canard en arrière. Ah, c'est vraiment immonde. Et donc, toi, Josiane, t'as décidé de nous faire écouter... D'ailleurs, j'ai oublié le titre. C'est « Aime les gens qui t'entourent », mais j'avoue que j'ai hésité, parce qu'il y avait aussi la samba de l'amitié. La samba de l'amitié. Je cherchais pas de style. De Jeanne-Mance Cormier, bien sûr. Une artiste. Un grand talent. Parlant d'artiste, moi, j'aimerais vous parler un petit peu plus sérieusement d'un homme que, finalement, j'ai rencontré hier. Un homme que je me suis déplacé, et puis après un an de têtage, de téléphonage, de gossage... Je suis allé voir Roger Normandin à Saint-Georges-de-la-Tortue, Saint-Georges-de-Champlain, à côté de Lac à la Tortue, pardon, juste au nord de Grand-Mère, qui est en banlieue de Shawinigan-Sud, qui est en périphérie de Shawinigan, la cité de l'énergie. J'ai passé 2 heures de toute beauté avec Roger Normandin, cinéaste amateur qui fait ses films. En fait, il y en est à 5 films. Il m'a montré des séquences de films de Super 8 qui tournaient en 1979. Ça s'appelait « Les aventures d'un homme invisible ». C'était très intéressant. Déjà, il y avait une technique qui était propre à lui. Et puis, ensuite, il a continué avec « Les aventures de Steve McCloud ». Puis, les deux classiques que tout le monde connaît, bien sûr, comme « La chienne de vie ». Et la quatrième dimension. Et puis, ils m'ont montré des séquences du tout dernier film qui est en train de tourner, c'est-à-dire Les aventures d'un braconnier sans scrupules. J'ai beaucoup hâte de retourner voir M. Normandin dans son patelin pour parler des vraies affaires, poser des questions. M. Normandin, qui, peut-être vous l'avez croisé sur LCN ou à la télévision, est présentement dans une espèce de procès, de vice de procédure avec la loi québécoise, le jury, parce que c'est un petit peu nono, parce qu'il m'a fait lire le rapport du coroner qui a été écrit en 2004 sur la mort de la mère de sa douce, finalement. Je sais pas si vous me suivez, sa belle-mère, ouais. Sur la mort de sa belle-mère. Et puis, il est écrit noir sur blanc que la personne a eu 3 coups de couteau. Et puis, ils en ont jamais fait mention dans la poursuite, dans le procès. La poursuite en a jamais fait mention dans le procès. Donc, je comprends que si on perd sa mère, puis qu'il y a des preuves aussi flagrantes desquelles personne ne tient compte, ça peut être un petit peu plate, là. Donc, tout ça pour dire que j'ai parlé cinéma avec Roger Normandin et je vais retourner le voir. Il m'a même offert un rôle dans un de ses films. Ça serait génial. Oui, le braconnier, là, comment... C'est ça, le braconnier sans scrupules. La dernière qui s'en vient, c'est inspiré de faits réels, en fait. C'est, ouais. Il s'est fait braconner? Non, c'est plus l'histoire d'un braconnier qui s'est fait pogner, mais à force de menaces et de poffineries, il a réussi à s'en sortir blanc comme neige. Dans cette période post-scandale des commandites et post-Enron et post-Norbourg, je pense qu'on est tanné que les crottés s'en sortent. C'est dégueulasse. Roger Normandin qui parle un petit peu pour toute la population du Québec dans un tel texte. Voilà, on va poursuivre, c'est sûr, nos aventures avec le monsieur Normandin. Toi, Simon, est-ce que tu nous shootes une nouvelle? Ben regarde, on va rester dans le cinéma. Vous connaissez Richard Gere? Ben oui, le bouddhiste. Connaissez-vous Shilpa Shetty? De moins en moins. OK, elle, c'est une actrice. Elle fait des films indiens, le cinéma indien. Là, je la connais de plus en plus. Et puis, il y avait eu un scandale là, dans une espèce d'émission télé-réalité à Londres avec un truc, là, plutôt, se demandait si c'était du racisme envers les Indiens. En tout cas, peu importe, c'est elle, OK. En fait, Richard Gere et cette starlette indienne, n'est-ce pas, ont été accusés en Inde d'actes obscènes pour s'être étreint et embrassé sur les joues. C'est dégueulasse. Lors d'un gala contre le sida le week-end dernier à New Delhi. C'est 2 plaintes qui ont été déposées en justice après que des hindous aient sillonné lundi des villes du sous-continent, n'est-ce pas, indien, en brûlant des effigies de l'acteur américain. Oui. Aïe, pour des becs, c'est joues? Oui, c'est sûrement un message de paix qu'ils voulaient délivrer parce que la religion, c'est une religion de paix. Mais... Oui, la religion hindoue qui promeut la paix et l'acceptation. Et l'amour. Théoriquement, oui, j'imagine, mais bon, enfin... C'est comme toutes les religions. Bon. Alors, cette marque d'affection représente toute l'indécence et la nudité que notre société ne peut pas tolérer, a affirmé l'avocat des plaignants. OK. Le comportement de M. Gere, 57 ans, Gere, peu importe. Ouais, vas-y. Donc, son comportement est contraire à l'éthique indienne et il stipule dans sa poursuite « Ne touchez pas à nos femmes ». C'est également ce que des manifestants ont scandé lundi passé, exigeant que l'acteur présente des excuses pour avoir ça va tout changer, une accolade et donner des becs sur des joues. C'est que Richard Gere était là également parce qu'il défend la cause des Népalais. Des Tibétains, réfugiés au Népal. Puis il défend cette cause-là depuis 25 ans. Je crois qu'il est bouddhiste, Richard Gere. Totalement, effectivement. En effet. Alors, c'est lui qui convertit Lisa Simpson au bouddhisme dans un épisode. Il est là plein de bonnes intentions. Il est là pour une espèce de gala contre le sida pour amasser des fonds. Il s'en sort avec une poursuite. En droit indien, l'obscénité est punie jusqu'à 2 ans de prison maximum. Fait que c'est quoi, il pourra plus jamais aller en Inde sous menace de peut-être passer 2 ans en prison pour avoir donné des becs ses joues, bon, comme on fait 4 à toutes nos matantes. Mais en fait, je l'ai vu la séquence dont tu parles. C'est qu'il a comme enfargé, là, elle est tombée, un genou par terre, fait qu'il l'a aidé à se relever. Là, il a donné un bec sur chaque joue, puis il a vraiment fait un espèce de salut, tu sais, de chevalier à genoux à terre, puis... C'est plein de respect pis tout, là, je sais pas, peut-être que c'est le fait qu'il avait l'air de s'aimer pour vrai, que le monde n'a pas aimé. Moi, là, c'est le toucher pas à nos femmes, d'après moi, qui... Ça chicote, c'est comme, ça. Vous êtes blanc, vous avez pas le droit, et en tout cas... C'est ça, en droit indien, donc puni jusqu'à 2 ans de prison. C'est rough. Sinon, c'est ça, il y a une amende, c'est 33 € ou $45. Est-ce que t'es colon? Ben c'est vrai! Moi, je rapporte les nouvelles, là! C'est encore plus colon. Là, tu vas me donner 33$ ou tu vas aller passer 700 jours dans une cellule. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Tiens, j'ai quelque chose que c'est toi qui m'a envoyé, en fait, Josiane Huard. On va écouter ça. C'est une publicité pour le métro. Le métro qui va être complété bientôt. Je la garde depuis 2-3 semaines dans mon hotmail pour justement vous faire écouter ça. On va peut-être écouter une dernière fois un... En tout cas. Fait que voilà, on va passer au travail de Wakefield et Saturday Night. On va écouter Febo dans le métro. Je garde vos micros ouverts, ça vous tente de déglutir. Publicité des 70. Il fait beau dans le métro. Tout le monde est gay, tout le monde a le cœur au soleil. Tout le monde dans le métro, là. La musique est écœurante. Il fait beau dans le métro. La chorégraphie. Le métro, c'est le plus beau du monde. Il fait beau dans le métro. Et dans l'autobus, c'est son petit frère. Petit frère, il fait beau dans le métro. Et l'autobus, peux-tu en dire autant dans ton auto? Papa, papa, papa. Il fait beau dans le métro. Notre métro, c'est le plus joyeux. Et comme il chante, c'est tant mieux. Vive le métro. Et l'autobus. Oui, il fait beau dans le métro. Et voilà, vous êtes maintenant un petit peu plus con grâce à la ville de Montréal. Si vous faites « Il fait beau dans le métro » dans le browser, en fait, dans la place pour chercher de YouTube, vous allez pouvoir réentendre ce que vous venez d'entendre et voir la chorégraphie. Il y a une belle moustache, en tout cas, là-dedans, c'est de toute beauté. Quelqu'un veut dire quelque chose ou on va aller écouter notre toune de Jane's Addiction qu'on a si ardemment désiré? Moi, j'y vais pour Jane's Addiction. C'est la 6e toune, c'est Jane 16. C'est assez musclé, ça. Elle est pas mal bonne. Elle est assez musclée. Oui, version live. On va la partir ici comme ça et peut-être parler un petit peu des pingouins. Toi, Simon, me semble que tu voyais la coupe... À Pittsburgh. À Pittsburgh, oui. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé hier? Me semble qu'on a eu un match de hockey, décisif, lessivateur, dans lequel une équipe s'est fait péter définitivement la gueule. Non, mais il laissait pas jouer Crosby. Christy, il surveillait tellement proche. Comment tu veux que ton meilleur marqueur arrive à marquer quand tous les défenseurs des attaquants sont après lui? Pitié, ben, les autres Crosby. Comme Malkin doivent produire, j'imagine. Voilà. Ricky, entre autres, Jordan Stahl. Mais écoute, moi, je n'ai pas vu le match parce que je suis très occupé. Par contre, j'ai reçu des résultats sur mon tout nouveau cellulaire. Que ton travail te fournit, va avec ton portable que ton travail te fournit. Oui, oui. Excellent, Simon qui regarde son portable fièrement. On va écouter Perry Farrell et Jane's Addiction. Vous chantez Jane Says, puis on va revenir à 70%. C'est quoi ton numéro de cellulaire, Simon? Tu pourrais peut-être le dire. 835-2376. Mais voilà, donc si vous voulez appeler Simon sur son cellulaire, je vais laisser ton micro ouvert au cas où que ça sonne. On vous revient. Et voilà, que d'aventure, que d'aventure. Nous sommes de retour en studio après avoir écouté un opus de Jane's Addiction. Je viens d'utiliser un mot de 4 lettres 3 fois dans la même émission là, pour avoir l'air prétentieux. On a 2 nouvelles amies, Marie-Jeanne et Nadia, qui viennent de Amos. Wouh, en Abitibi. Oui, il n'y a pas 2 Amos. Il n'y en a pas un en France. Ouais, ils connaissent rien, c'est pas le même. C'est pas le même genre de qualité. Amos en Abitibi, c'est la meilleure eau au monde. Fait que je veux dire, tu peux pas avoir la meilleure eau au monde. Et juste une petite note comme ça. Avant, sur les vieux globes terrestres, quand on voyait le Québec dessus, on voyait Montréal, Québec, je crois, et puis Amos. Amos, voulez-vous savoir pourquoi? Explique-le donc, Tony. Parce que en fait, c'est qu'avant, le Québec, c'était très religieux catholique. Je sais pas si vous étiez au courant. Et puis, c'était calculé en diocèse. Et puis, tout le nord du Québec, c'est le diocèse d'Amos. Et donc, voilà pourquoi, sur les vieux globes terrestres, on voit la ville d'Amos. Ouais. Tommy, tes connaissances m'épatent. Ah, ben là, je suis assez knowledgeable, surtout que je viens de là, moi aussi. Donc, les Kiwoutis, c'est quoi? Vous allez nous parler d'un espèce de show métal avec des colliers, avec des clous, là? oui, on fait la promotion d'un show abitibien. Le titre de l'événement, c'est Abitibi Metal Invasion. Ça va avoir lieu au Café Chaos le 31 mai prochain à 7h. Il y a 4 bands de l'Abitibi. Bonne journée. Donc, Cryptic Calling, Habitabis, Decrepity et Archons. Ah. Vous pouvez vous procurer les billets au coût de 10$ au Frisson ou au Profusion. C'est où ça, le Frisson et la Profusion? C'est à Amos sur la rue. Non. On ne fait pas aller les gens aussi loin. Le Frisson est au 1477 sur Mont-Royal, le Profusion au 1843 sur Ontario. Voilà, tout simplement. Et puis sinon, le Café K.O. qui est bien sûr coin Ontario-Saint-Denis. Oui. Qui est une place qui veut pour la relève. Donc la relève, nous, on aime ça à 70%. On aime la culture, on aime la variété. On n'aime pas, par contre, le clin d'œil. On n'aime pas le clin d'œil de août 2006, dans lequel il y a la chronique « Les bons deals de Betsy ». Là, j'ai amené l'article ici, j'ai résisté à ne pas le chiffonner, le manger et puis déféquer. Mais donc, moi, Betty, 27 ans, journaliste pigiste, je l'avoue, je suis particulièrement doué pour jeter mon argent par les fenêtres. Je ne le fais pas exprès, du moins pas tout le temps. On dirait que c'est mon karma. Ma carte de crédit est au burn-out, au secours, par Marie-Julie Gagnon. Donc, l'article commence à nous faire passer un petit défaut cute, le fait qu'elle n'est pas capable de contrôler ses urges dépensières. C'est ce que ça ben oui, merci. N'hésitez pas à en mettre, hein, parce que en fait, j'ai envoyé un email, je vais le lire tantôt à clin d'œil pour me plaindre, parce que ça, c'est le genre d'information qui forme mes concitoyennes. Faut pas se leurrer. Les madames lisent beaucoup plus de revues, d'opinions, clin d'œil, qui te parlent de maquillage, qui peuvent lire le dernier rapport de la NASA ou, l'actualité, tout simplement. Ouais, c'est ça. Voilà, merci, Josiane, de venir. Que ça vienne de la bouche d'une femme, ça, je veux dire, ça me donne espoir en mon peuple. Hein. Donc, l'article de 2 pages, ce que ça raconte, c'est les aventures de Betty en une semaine. Là, tout, puis je vais faire le calcul à côté parce que je l'ai jamais fait. Donc, lundi, 8h55... Je vais lire vite parce que je suis bon pour ça. Merde, Junior, mon ordi fait encore des siennes et je dois remettre ce texte à ma rédac chef dans 3 jours. Olivier me manque. Les bugs, c'était sa spécialité. Je suis mûr pour une autre facture salée. Vite chez Dr. PC. Estimation pour trouver un bug dans son ordinateur et le réparer, $150. C'est ça, elle a vraiment aucun ami pour lui demander. Là. Donc, elle enfile sa jupe en mousseline à 9h38 et des sandales à semelle compensée. C'est très intéressant de savoir tout ça. Je n'ai pas fait 3 coins de rue en voiture que cette dernière se met à ralentir puis s'arrête. Ça, c'est quoi ce début de journée de merde? Ouf, un bon samaritain m'indique un garage à proximité, blablabla. Bla, bla. $55 pour le remorquage. Lundi, 11h45, je prends un taxi pour aller chez mon ami, blablabla, bla, qui travaille aussi à domicile. Devant ma mine déconfite, elle prend un air catastrophé. Il y a eu le feu chez toi, tu t'es fait cambrioler. Je dépose mon ordinateur. Ah, son ami lui dit, on va aller passer l'après-midi dans un spa. Ah ben oui, il est arrivé des affaires plates qui ont coûté plein d'argent, fait qu'elle dit, je vais aller mettre $90 dans un après-midi de dorlotement au spa. Ensuite, on est lundi 18h. Elle se dit, je le dois bien, donc elle va voir une pièce de théâtre avec son ami, $35. Tu sais, pour oublier les bad luck qui lui sont arrivés. Bon, moi, c'est investi dans la culture, c'est moins pire. Ouais, c'est ça, c'est celui qui fait le moins mal, là, mais là, ça va commencer à débouler. Lundi 22h30, tac à dormir chez moi ce soir, propose mon ami. Nous décidons d'aller boire un verre avant de nous coucher. Bon, OK, 20$ de sangria, c'est fair. 20$ de sangria, en tout cas. Mardi, 10h50, après avoir laissé mon ordi chez le réparateur, je rentre enfin chez moi. Quel bordel! Cachou, mon gros matou, semble complètement perdu dans ce fouillis. La vaisselle emplit l'évier de la cuisine. Et puis, blablabla, la semaine s'annonce chargée. Fait qu'elle décide de se prendre une femme de ménage, 60$, parce qu'elle passe ses journaux au spa, puis à des pièces de théâtre, fait qu'elle peut pas nettoyer. Fait que là, elle met 60$ dans une femme de ménage, et puis ensuite, elle met 35$ pour faire son lavage. Là, on se ramasse mardi, début d'après-midi. Là, elle apprend que son ex, ben en fait, le gars qu'elle fréquente, chatte avec son ex à lui. Fait que là, ben, elle sait pas trop de quoi il en retourne. Fait que là, elle fait ce que toute personne intelligente fait. Y a-t-il quelqu'un qui a une idée? Elle engage un détective privé. En fait, elle va voir une voyante pour 50$. La madame va voir une voyante pour 50$ pour se faire assurer. Là, après ça, elle rentre chez elle à 16h. Elle est sous le choc. Selon la voyante, pas d'histoire d'amour avant un bail parce que mon ex est encore trop présent dans ma vie. Gars, tu viens d'écrire un article de 2 pages dessus. Pour te faire dire quelque chose que t'es censé savoir toi-même. C'est ça, gars. Merci. Et donc, c'est le moment de repeindre le salon parce que c'est son ex qui avait choisi la couleur du salon. Vous voyez comment c'est une bonne... Fait que là, ça coûte 400$ de... Là, on est rendu mardi après-midi. Ça vient d'y coûter 400$ de peinture. Donc, après ça, mercredi, 10h10, morale à zéro, à force d'investir dans des spas puis des voyantes, c'est ça. Donc, morale à zéro, elle a besoin d'une nouvelle tête. Elle téléphone dans tous les salons branchés de la ville pour trouver un endroit où faire teindre, couper et coiffer ma crinière. M'en reste 3-4. Là, estimation, ça coûte 120$ de coiffeuse. Pardon! Ça coûte 120$ de coiffeuse parce que c'est Betty. Parce que elle écrit dans le clin d'œil, elle a le droit, elle. Jeudi, 5h du matin, elle vient de finir de travailler son texte, Chris, parce qu'elle travaille des fois pour avoir de l'argent. Et puis là, ben, pour se donner une espèce de petit bonus, elle décide d'aller voir sur ses sites de voyage web préférés. C'est quoi une liste de sites de voyage web préférés? En tout cas, ça moi, cas, tu vois, elle finit dans le sud avec un daiquiri aux bananes. C'est ça. Ben, en fait, ce qu'elle décide, c'est d'opter pour soit un week-end à Los Angeles, soit une semaine à Cuba. Mais comme n'importe quelle femme au foyer, normal. Puis là, ben, j'opte pour la mer et le farniente. Rien de tel pour me remonter le moral. Et puis ça, c'est la phrase que j'aime beaucoup. Et puis, je le mérite bien. Because I'm worth it. C'est ça. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas à date pourquoi elle mérite bien. Donc, une semaine à Cuba, selon Betty, 1000$. Là, on est rendu jeudi, 15h de l'après-midi. Ouf, Dieu, quel réveil! Là, parce qu'elle s'est couchée tard, je réalise que dans 3 jours, j'aurai les 2 pieds dans le sable, youpi. Je prends rendez-vous pour me faire épiler les jambes, les aisselles et le bikini à la cire, tant qu'à aller chez l'esthéticienne. Je l'aime, cette phrase-là. Tant qu'à y aller, j'en profite pour me faire faire une pédicure. Donc, Betty, qui a moins de 48 heures avant, mis 120$ sur sa tête, mais 100$ pour se faire arracher le poil. Ensuite, on est rendu à vendredi. C'est la dernière entrée. Vendredi, 10h15, Cachou saute sur mon lit pour me rappeler son existence. Faut dire que je l'ai un peu négligé ces derniers temps. Cachou, c'est son chat. Je pensais que je voulais deviner. J'étais sûr que ça allait être un petit caniche blanc qui... Ça aurait pu, mais c'est la version femme. Oui, c'est ça. À qui le confier pendant mes vacances? Tout le monde est occupé. Heureusement, il y a des services de gardiennage à domicile. Là, ça coûte 125$ pour faire garder son chat à domicile pendant sa semaine de vacances à Cuba qu'elle méritait bien. OK, qu'est-ce que tu as écrit clin d'œil? Eh bien là, c'est ça, je vais vous lire. On va-tu écouter une petite toune hein, puis dire bye-bye à nos amis? On va écouter Sharp Wolf. Non, c'est vrai, ça marchait pas, ça. OK, donc, là, après ça, Fru. Je veux dire, je suis censé. Tiens, Marie-Jeanne, est-ce que tu veux venir chercher le papier puis juste faire l'addition du total pour qu'on sache comment que ça coûte à Marie-Julie Gagnon, alias Betty, pour oublier son chum pendant une semaine? Voilà, on va faire le total. Là. OK. Je viens de lire la chronique les bons deals de Betty du clin d'œil à août 2006. Ça, c'est le email que j'ai envoyé à clin d'œil que je suis en train de vous lire. Je suis un artiste en pleine santé, 29 ans, plutôt sexy et très intéressé par l'influence des médias sur notre vie à nous, les êtres humains. Dans cette chronique des bons deals de Betty, j'ai découvert tout ce qui me faisait lire régulièrement, les clins d'œil que je trouve. En cette période de crise planétaire de la surconsommation, de voir une jeune journaliste québécoise user de sa tribune pour vendre le fait que prendre des saunas, se payer une femme de ménage, d'user des services d'une voyante, un voyage à Cuba, une retouche beauté à 120 $, repeindre les murs intérieurs dans l'unique but d'oublier son ex, ce sont des moyens comme d'autres de survivre aux problèmes de la vie. Je ne sais quoi rajouter, mais je veux que vous sachiez que vous faites beaucoup plus partie du problème que de la solution. Je sais que vous allez vous cacher derrière des vacuités telles que « si c'est ce que le client demande » ou « si moi je le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire et puis ça me permet à moi de surconsommer à loisir ». Mais bon, après l'insulte incroyable que l'article des bons deals de Betty m'a fait subir et le coup dans l'éducation des jeunes femmes pigistes de demain, ouch! Vous arrive-t-il de réfléchir aux conséquences de simples phrases comme « je le mérite bien » balancées à outrance par des publicitaires et autres journalistes obtus? Eh bien, ces répercussions ne peuvent pas être positives chez qui que ce soit. Évidemment, vous vous foutez de ma critique et j'espère sincèrement que Betty et ses besoins démesurés n'aient plus jamais le droit d'influencer qui que ce soit. Je vous souhaite donc à vous, jeune pigiste déluré, un QI social plus élevé qu'un personnage de Beverly Hills 90210 et au magazine Clin d'œil, la géniale idée d'arrêter de transformer les Québécoises en puits à besoins sans fond. Une féministe n'aurait pas si bien dit. Aïe, ça m'a fait du bien d'écrire ça. Ça apprécie de conneries incroyables. Tiens, je vais manger l'article des bons deals de Betty, je pense. Tu vas manger une addition de 2235 $. Ça écoute 2235 $ par semaine. 2235 $. Pour oublier son chum, c'est Chris. C'est bien crise d'être pigiste, hein? Fuck. En tout cas, Simon, continue ton décompte parce que moi, je marche. Oui, on parlait de divorce tantôt, alors je vous retrouve ça. T'es rendu en cinquième place, je crois. Oui. OK, alors on parle de l'acteur américain Kevin Costner qui, avec sa femme Cindy Sylvain, ont divorcé en 94 après 16 ans de mariage. Ça a coûté à M. Costner 80 millions de dollars. Ça, c'est le cinquième divorce le plus dispendieux de l'histoire des stars d'Hollywood. Genre. Alors, okay. On montre la quatrième place. On est encore dans les acteurs. Harrison Ford et Melissa Mathison qui se sont séparés. Ça a coûté 85 millions de dollars en 2004 à Monsieur Ford. L'article est immangeable aussi par la bouche. ça se peut. Alors, la troisième place revient au réalisateur d'Hollywood, Monsieur Steven Spielberg, qui a divorcé de Mademoiselle Amy Irving en 89. C'est 4 ans de mariage, 100 millions de dollars. Hey, give us a break, man. Alors, c'est 25 millions de dollars par année. Si tu veux diviser par 900 heures de travail, ça va nous donner. Non, c'est combien? 300 jours ouvrables fois 8 heures par jour, ça nous fait 2400 heures qu'il y a dans une année. Si tu peux nous calculer combien ça fait de l'heure, ça, être marié à Steven Spielberg, ce serait gentil. Alors, deuxième place, Neil Diamond, OK, tout près de 150 millions de dollars pour mettre fin à son pacte avec Marcia Murphy en 94. Hey, ça n'a pas de sens. Tout à fait. Donc. Et c'est toujours en cours, n'est-ce pas? Parce que l'acte de séparation n'a pas encore été signé en bas d'une forme. Ah, fait que ça peut monter, mettons, là. Oui, bien sûr. C'est à plus de 150 millions pour Juanita Vanoy Jordan. Juanita? Oui, qui est mariée au très célèbre Michael Jordan. Ah, ben, c'est apprécié. Hey. Tout à fait. Fait que là, on est-tu rendu au numéro 1 ou tu nous le gardes après? C'est à lui. C'est okay, tu l'as manqué. Oui. 5 Costner, 4 Harrison Ford, 3 Steven Spielberg, 2 Neil Diamond. Ah, et voilà. En première place, Michael Jordan. Michael Jordan, c'est lui qui est. Puis les filles? Non, il n'y a pas de filles qui ont payé quoi que ce soit. C'est tous des gars qui payaient à leur femme. Ouais, ouais, on s'en doute. Un jour, ça va être le contraire, là. Je pense. Oui, pas, moi, je me marie une pigiste. J'ai l'impression. 2235 $, là. 2235 $ la semaine, c'est payant. Hey, c'est dément. Voyons. Ça, c'est ce que donc. Tu peux dépenser. Imagine ce qu'elle fait. Ah, en tout cas, gars, je veux dire, elle n'a aucune grasp sur la réalité, là. Je veux dire, non, elle est pas au courant qu'en Afrique, puis qu'en Haïti, puis que dans les rues de Montréal, des fois, puis que le matin, des fois même, il y a des Montréalais qui vont être ses concitoyens de demain, qui ont même pas d'argent pour déjeuner, puis qui sont pas motivés à l'école parce qu'ils ont pas d'énergie. Puis elle va se faire des pédicures à 100 $. Ouais. Ben, ouais. Mais ce qui arrive, je sais pas, elle mérite probablement son salaire parce qu'elle est très utile pour la société. Ben oui, c'est sûr. Elle travaille fort, fort, fort parce qu'elle crée des textes. Et elle le mérite bien. Elle le mérite bien. Ça, c'est de toute beauté. Moi, j'essaie de trouver juste un petit quelque chose pour prendre une petite minute parce qu'on va vous revenir parler de la vraie vie. Tiens, ça va être bon, ça. Tu n'en veux-tu de la bonne pizza? la meilleure à Montréal, exclusive avec du pepperoni stick-in dedans, via la pizzeria Gino sur Sherbrooke. On va t'en faire de la colisse de bonne. 872-419. Voilà, c'était l'espèce de petit break que j'avais de besoin. Je pense qu'on va mettre Raan en background. C'est la dernière de 70% pour la session hiver. Oui, je voulais juste spécifier que des chercheurs italiens des universités de Trieste et de Bari en Europe qui ont étudié les mouvements de la queue des chiens, et puis ils ont étudié ça au ralenti vidéo parce que ça bouge beaucoup, n'est-ce pas? Et quand que votre chien bat de la queue vers la droite, c'est parce qu'ils sont contents, puis quand que c'est vers la gauche, c'est parce que c'est quelque chose qui les menace, comme par exemple un autre plus gros chien. Ah, ben, tu fais quand ton chien est gaucher? Ah, j'ai pas de données là-dessus, mais de toute façon, vu que les mouvements ne sont pas très très nécessairement précis, puis que les chiens bougent beaucoup, puis qu'ils bougent vite, cette découverte ne servira donc pas au maître que vous êtes, à rien, ni à mieux dialoguer avec vos chiens. À rien. Mais c'était très 70%, c'était, je pouvais pas. Hey, c'est la plus 70%. Ben ouais, quoi, c'est des chercheurs italiens, des docteurs dans leur discipline. Voilà, qui ont été payés peut-être le prix d'une pédicure à l'heure pour découvrir ces affaires-là. Marie-Jeanne, Nadia, merci beaucoup d'être passée. Vive la BTB, rock on. Vous irez au Parc des Gabelles, continuez, lâchez pas, là, je veux dire, la culture, il faut que ça existe. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Merci, Josiane. De rien. 70% devrait revenir les lundis soirs à partir de l'été. Tu me quittes? C'est, oui, ben, je suppose. Qu'est-ce que je vais faire les vendredis sans vous autres? Ah, oh, ben, tu viendras les lundis. Transfert le lundi. Oui, ça fait. Mais sinon, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que vous êtes en train d'écouter le Toon Theme de Raan. Enfant de tous les sages. Puis les Sénateurs vont gagner la coupe. On s'en reparle justement quand ils vont être en train de jouer contre les Sabres pour finir enfin. Oh, sinon, il y a encore du matos. Ben, on a le temps. Il nous reste deux minutes. Vas-y, mon gars. Sujet de la saga judiciaire. Je sais pas si vous êtes au courant. Alec Baldwin. Ouais, on va rester dans la thématique cinéma et divorce et Mélanie Griffith, et tout ça. Alec Baldwin, pour la garde de sa fille de 11 ans, c'est ça. Cette saga s'est enrichie d'un nouvel épisode. Parce qu'il a laissé un message sur le répondeur de son enfant, et puis ça a été diffusé en boucle sur la plupart des chaînes aux États-Unis. L'acteur et son ex-épouse Kim Basinger, qui ont divorcé en 2002 après 9 ans de mariage, bon, ils se livrent une guerre interposée là, par avocat pour la garde de la fille, s'appelle Ireland. Donc, apparemment, furibond, n'est-ce pas, furax, que l'enfant n'ait pas répondu au téléphone malgré un rendez-vous téléphonique convenu à l'avance. Alec Baldwin lui a laissé un message. Qui dit? Enfin, ben, il lui a dit: j'en ai assez de ce petit jeu avec toi, je te laisse un message pour te dire que c'est la dernière fois que tu m'insultes de cette sorte, notamment l'acteur. Et puis, il a renchaîné par la suite. C'est là que le morceau est. Il a commencé à crier un peu plus fort et à dire: tu n'as ni l'intelligence ni la bienséance d'un être humain. Je n'en ai rien à foutre que tu aies 11 ans ou 12 ans, que tu sois une enfant, que ta mère soit une emmerdeuse. C'est la dernière fois que tu m'humilies au téléphone. Puis ensuite, il annonce qu'il va faire l'aller-retour New York-Los Angeles pour aller voir l'enfant, n'est-ce pas? Et il lui dit: tiens-toi prête pour ma visite parce que je veux te faire savoir que tu es une sale petite connasse écervelée. Et voilà, c'est le papa divorcé qui dit ça à son enfant qu'il ne rencontre qu'une fois de temps en temps, en se plaignant genre, qu'il la voit pas assez souvent. Ouais, puis en se disant: oui, un autre excellent candidat, Fathers for Justice. Ça, précis, il y avait des émotions là-dedans. Hein? Oui, c'est... Bon, il a échappé. Comme on dit, il a échappé. Bon, ben, un mot de la fin, tout le monde, c'est la fin. Oui, bien dit, c'est un beau mot de la fin, ça. Nadia, elle veut dire quelque chose. Ah ouais. Non, j'ai rien à dire, moi. Ah bon, c'est quelque chose. À part de venez à notre show. Voilà, on peut le rappeler, c'est au Café K.O. Oui, le 31 mai, alors c'est la BTB Metal Invasion. Moi, la BTB, j'aime ça. Bon, ben, merci tout le monde. On merci. Dit bye-bye. Au revoir. C'est l'heure de dire au revoir. Merci, au revoir. C'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de... Voyons, t'aimes. Penelope Cruz a commandé pour 150 000 piastres de bouteilles d'eau à son dernier film. Hein. Tu sais, puis qu'il y a une scène, elle a coûté 2 millions à faire. 30 secondes, 2 millions, puis elle est même pas dans le film, puis ils ont perdu 100 millions avec ce film-là. C'est quoi, ça? Penelope Cruz. Ouais, mais quel film? J'ai plus le nom, là, j'ai fermé mon document Word. Hey, déjà, on trouve ça mauvais, ce film-là. Wow. Vous vous ennuyez déjà, vous autres, de 70%, je suis sûr. À prochain. Oui, celui qui jouera le plus beau tour aux grandes personnes sera déclaré gagnant, et il aura le titre de grand champion, et deviendra notre chef à tous. D'accord? Vous allez voir ce que vous allez voir.